أشهد أن محمد رسول الله. إليه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيز دو عبد الله. فيز دو عبد المطلب. فيز دو هاشي. فيز دو عبد مناف. إلى دو لا ديسندانس دو إسماعيل عليه السلام. إي فيز دو بيان سور إبراهيم عليه السلام. عندما أو حينما نذكر اسمه حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد أن نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. C'est la personne qui, quand on cite son nom, on évoque son nom, se doit, musulman et musulmane, de dire que la prière d'Allah et le salut soient sur lui. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي, هذا هو البخيل. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous. Il compatit à ce que vous endurez et est plein de sollicitude pour vous. Il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Allah a été d'une extrême bonté envers les croyants en leur envoyant un prophète choisi parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés et leur enseigne le livre Al-Qur'an wal-Hikma, c'est-à-dire la sagesse, la sunna. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب, إن شاء الله تعالى ce soir on va débuter la biographie du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et dans ce premier cours, inshallah تعالى, on va voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit du prophète عليه الصلاة والسلام dans le Coran al-Karim. Et on va voir aussi l'état des Arabes avant la venue du prophète Mohammed ibn Abdillah عليه الصلاة والسلام avec la révélation de la part de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wa salam, c'est celui qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années, et plus précisément depuis quelques années. Il y a 2-3 ans, ou plutôt depuis 2 ans, ne cesse de parler du prophète alayhi salatu wa salam, et ne cesse de mentir sur le prophète alayhi salatu wa salam, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. La ya'rifuna habibina al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Ils ne connaissent pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de parler de la sorte et de dénigrer le prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi afdalu salati wa aska salam de la sorte et de faire toutes sortes de caricatures représentant le prophète alayhi salatu wassalam en tant que terroriste ou je ne sais quoi encore. C'est pour ça que nous, musulmans et musulmanes, nous devons de connaître qui est le prophète alayhi salatu wassalam et bien sûr ceci à travers les récits prophétiques authentiques. À travers les récits prophétiques authentiques. Qui est Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam? Rapidement, inshallah ta'ala, je tiens d'abord à rappeler l'arbre généalogique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'arbre généalogique authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et cet arbre généalogique, je l'ai repris du livre de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala concernant la sunna, la biographie afwan authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Il est Mohammed, il s'appelle Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Ibn Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, Ibn Fahr, Ibn Malik, fils de Nadar, Nadar, Afwan, fils de Kinana, fils de Khuzaima, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nazar, et fils de Ma'ad, et fils de Adnan. Fils de Adnan. Ici, Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala, s'est arrêté car entre Adnan, comme il est cité dans l'arbre généalogique du prophète, alayhi salatu wassalam, entre Adnan et Ismaïl, alayhi salam, il cite qu'il y a divergence quant au nombre de personnes qui interviennent dans cet arbre généalogique entre Adnan et Ismaïl, alayhi salam. Donc il dit qu'on ne connaît pas de façon authentique le nombre de personnes qui interviennent. Donc il passe directement à Ismaïl, donc le prophète, alayhi salam, il est de la descendance de Ismaïl, alayhi salam, et fils de, bien sûr, Ibrahim, alayhi salam. Voilà, de façon brève, l'arbre généalogique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam bi ijma'il ulama. Bi ijma'il ulama, et ceci, ici, avec le consensus des savants. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme je disais au début du cours, celui qui a fait couler autant d'encre. Celui qui a fait couler autant d'encre, et c'est la personne que quand on l'évoque, عندما أوحينا ما نذكر اسمه حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد أن نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. C'est la personne qui, quand on cite son nom, on évoque son nom, le prophète Mohammed ibn Abdillah, on se doit, musulmans et musulmanes, de dire, comme il est relaté dans de nombreux hadiths récits authentiques, comme on va les citer, que la prière d'Allah et le salut soient sur lui. Naam, as-salafu salih, les ancêtres pieux, notamment les savants du hadith, formulaient la prière pour le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il l'évoquait en utilisant deux formulations les plus répandues et les plus abrégées. Et ces deux formulations sont alayhi salatu wassalam ou sallallahu alayhi wassalam. Sallallahu alayhi wassalam, que la prière, suivez bien, que la prière d'Allah et le salut soit sur lui. Que la prière d'Allah et le salut soit sur lui. Ou bien alayhi salatu wassalam, sur lui la prière et le salut. Sur lui la prière et le salut. Le sens. Avant de continuer dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, nous allons nous arrêter quelques instants sur le sens de la prière formulée pour le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que ça veut dire que la prière d'Allah et le salut soient sur lui? Nous le répétons jour et nuit, et la plupart des musulmans, les asaf et shadid, avec le plus grand des regrets, ne connaissent pas ici l'explication de ces termes. Que la prière d'Allah et le salut soient sur lui. Aïe, Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wa aska salam. Donc, je cite, la prière d'Allah formulée pour son prophète, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala, et beaucoup d'autres savants. La prière d'Allah, salatullah ala al-habib al-nabi alayhi salatu wassalam. La prière d'Allah pour son prophète est l'éloge, al-thana. Ça veut dire l'éloge, al-thana. L'éloge qu'il fait de lui auprès des anges, auprès de l'malaïka. C'est ça ce que ça veut dire, la prière d'Allah sur le prophète alayhi salatu wassalam. عند كثير من أهل العلم, chez beaucoup de savants, et parmi eux Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, la prière d'Allah sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'éloge d'Allah sur le prophète alayhi salatu wassalam. Naam, et la prière des anges. Et la prière des anges, parce qu'il y a la prière des anges. Dans le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Car Allah Azza wa Jal évoque dans un verset coranique que les anges prient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc suivez bien, il faut bien comprendre ceci avant de poursuivre, car on sera amené, tout particulièrement dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, souvent de répéter que la prière d'Allah et le salut soient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a dit salatullah ala al-habib al-nabi alayhi salatu wassalam ay al-thana min Allah tabarak wa ta'ala ala al-habib al-nabi alayhi salatu wassalam. Donc on dit que ça représente, comme le disent les savants parmi Ibn al-Qayyim, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wassalam auprès de l'malaïka, auprès des anges. D'accord? Amma la prière des anges, quand Allah dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, concernant la prière des anges sur le prophète alayhi salatu wassalam, la prière des anges pour lui est par contre leur invocation en sa faveur. C'est l'invocation des anges en sa faveur. La demande de bénédiction, al-baraka, en sa faveur. Ça, c'est la prière des anges pour le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ainsi que l'a expliqué Abu al-Aliya, comme le rapporte al-imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son recueil de hadith authentique, au début du chapitre الإمام البخاري رحمه الله تعالى au début de ce chapitre il a commencé avec ce verset coranique إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما certes إن الله certes Allah et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui et adressez-lui vos salutations. Au sujet de la prière des anges pour le prophète alayhi salatu wassalam, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après, rapporte de Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardah qui a dit, il, c'est-à-dire que Allah ainsi que les anges, Allah wal malaika, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il explique en disant, Allah et ses anges prient, c'est-à-dire, il donne l'explication, signifie, il demande la bénédiction en sa faveur. Lui, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit que c'est Allah et ses anges qui demandent la bénédiction en sa faveur. Et la prière d'Allah est aussi interprétée comme étant son pardon. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, il dit que c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Ça c'est Ibn Hajar. Il dit que ça concerne le pardon d'Allah, car il y a une divergence sur ce sujet, le pardon d'Allah pour le prophète alayhi salatu wassalam. Na'am? Ça, c'est ce qu'il a dit Ibn Hajar dans Fathul Bari, rahimahullah ta'ala. Et il dit ensuite, mais la parole la plus juste est celle qu'on a dit précédemment. Suivez bien. Celle de Abu al-Aliya. À savoir que la prière d'Allah pour son prophète signifie Al-Thana. Ça, il revient sur cette parole. Et il dit, ça, c'est la parole la plus sûre. C'est Al-Thana. L'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète. Ainsi que la vénération qui lui est due. Et il dit, la prière des anges, de l'malaïka, la prière des anges. Quand on dit, inna allaha wa malaïkatu yusalluna ala nabi. Binisba al-malaïka, concernant les anges, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la prière des anges et de tout autre est une demande adressée à Allah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde au prophète ses éloges et cette vénération. Ses éloges et cette vénération au prophète alayhi salatu wassalam. Naam? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du prophète. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam auprès des anges, auprès de al-malaïka. Naam. Il s'agit donc de demander un supplément de noblesse et d'honneur, non pas la prière en elle-même. Non pas la prière en elle-même. Donc ça ne veut pas dire le fait ou la prière comme nous on l'a fait. Naam. Ici ça concerne, et ça c'est la parole la plus prépondérante, inshallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam, comme l'a dit Ibn al-Qayyim et d'autres, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du prophète alayhi salatu wa salam auprès des anges. Et la prière des anges concernant le prophète alayhi salatu wa salam, ils demandent la bénédiction et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Ça, c'est la définition la plus complète. Le mérite. Concernant le mérite de la prière et la salutation sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le mérite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a rapporté de nombreux hadiths concernant les mérites. Je citerai simplement trois hadiths authentiques. Le premier, rawahu al-imam muslim min hadithi abi hurayrata radiyallahu anhu wa arda. Qala alayhi salatu wassalam. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. D'accord? Ça, c'est parmi les mérites de prier et de passer la salutation sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, celui qui adresse une prière pour moi, Allah en adressera 10 pour lui. 10 pour lui. Hadith rapporté par Muslim. Dans le deuxième hadith, rawahu al-imam al-Tirmidhi min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Wa qala Ibn Hibban rahimahullah ta'ala hadithun sahih. Wa qala al-imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala hadithun hasan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna awla al-nas bi yawm al-qiyamah aktharu al-nas alayya salatan. Ça c'est le prophète alayhi salam qui l'a dit. Ceux qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection seront ceux qui ont adressé pour moi le plus de prières. Ceux qui auront adressé pour moi le plus de prières. Le prophète alayhi salatu wassalam yaqul في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن حبان وغيرهما بسند صحيح كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح الجامع من حديث الحسين رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي هذا هو البخيل قفت عليه الصلاة والسلام كيف يقول لافار البخيل لافار et celui qui lorsque je suis évoqué auprès de lui, c'est-à-dire que lorsqu'il entend Mohammed ibn Abdillah, lorsque je suis évoqué auprès de lui, ne m'adresse aucune prière. Ça, c'est lui, al-Bakhil, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Et ces hadiths poussent al-Mu'min, celui qui prétend aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire la prière ou de passer la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations pour le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il entend Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on se doit de dire et de répéter ces deux formulations abrégées que répétaient as-salaf, les ancêtres pieux, ainsi que les savants du hadith, et qui étaient alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wassalam. Et Allah azza wa jal, parce qu'on avait dit au début du cours qu'on allait évoquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit sur ce personnage, qui est Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans de nombreux versets coraniques. Naam, dans de nombreux versets coraniques. Il a parlé de nombreuses fois des mérites du prophète alayhi salatu wassalam dans Al-Qur'an al-Karim. Dans Al-Qur'an al-Karim. Et on va citer certains versets coraniques pour qu'on prenne conscience de la place qu'a le prophète alayhi salatu wassalam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال جل وعلا في محكم التنزيل dans la sourate Al-Imran verset 164 la sourate Al-Imran verset 164 Allah subhanahu wa ta'ala a dit لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah était d'une extrême bonté envers على المؤمنين, envers les croyants. نعم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والمراد بالحكمة في هذه الآية السنة. Ici ce qui est visé dans ce verset coranique concernant la sagesse, c'est la sunnah, la voie, la conduite du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Azza wa Jalla dit, Allah a été d'une extrême bonté envers les croyants, en leur envoyant un prophète, choisi parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés, wa yuzakkihim, les purifie de leurs péchés, et leur enseigne le livre, al-Qur'an, wal-Hikma, c'est-à-dire la sagesse, la sunna. Ce qui est visé ici, c'est la sunna, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement évident. Bien qu'il fût autrefois dans un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète alayhi salatu wassalam dans Al-Qur'an al-Karim. Et il dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ هَذَا هُوَ الْحَبِيبَ النَّبِي عَلَيْهِ salatu wassalam. Ça, c'est le prophète, c'est le bien-aimé, ayyuhal ikhwatul kiram, qui est critiqué au jour d'aujourd'hui, wal iyadu billah. Pourquoi? Car les gens, et avec le plus grand des regrets, les musulmans parmi nous ne connaissent pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahi, les gens, dans la communauté du prophète, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, lui-même, ne connaissent pas vraiment qui est le prophète, alayhi salatu wassalam. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, dans surat al-Tawbah, verset 128, Sourate At-Tawbah verset 128. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous. Il compatit. Il compatit à ce que vous endurez et est plein de sollicitude pour vous. Il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Toute bonté et toute compassion pour les croyants. Walimala qala rabbul ardi was samawat fi muhkami at-tanzil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et pourquoi pas alors qu'Allah Azza wa Jal fait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam encore dans le Coran al-Karim, dans surat al-Anbiya verset 107, surat al-Anbiya verset 107, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'humanité, pas pour les Arabes, pas pour un peuple, pas pour un groupe de personnes, walakin lil'alamin, rahmatan lil'alamin, lil'mushrikin wa lil'mu'minin aïda, li'anna Allah qalli lil'alamin, pour les associateurs et pour les croyants, car Allah subhanahu wa ta'ala dit pour l'ensemble de l'humanité, ayyuhal ikhwatul kiram, wa yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala an haqqihi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah fait encore l'éloge du prophète alayhi salatu wa sallam dans Al-Qur'an al-Karim et il dit, et tu es certes doté d'un comportement ou d'une moralité imminente, dans sourate Al-Qalam verset verset 4. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هَذَا هُوَ الْحَبِيبَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et on se doit, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, on se doit obligatoirement d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. On se doit d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour aimer le prophète alayhi salatu wassalam, on doit connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Comment tu veux aimer une personne alors que tu ne connais pas cette personne-là? Beaucoup de frères au jour d'aujourd'hui prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'ils ne connaissent pas le prophète alayhi salatu wassalam. C'est clair ça, c'est illogique ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Et la moindre des choses pour connaître le prophète, c'est d'étudier sa biographie. Et ceci à travers Al-Qur'an et Al-Sunnah. Et ceci à travers le Coran et la Sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ça, c'est obligatoire pour tout croyant et croyante qui prétend aimer le prophète Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. On se doit de connaître le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et celui qui prétend aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, et connaître le prophète alayhi salatu wassalam, il se doit d'appliquer at-tatbiq ayyuha al-ikhwatul kiram. Appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car le vrai amour, al-hub, al-haqiqi ayyuha al-ikhwatul kiram, ce n'est pas que des paroles. Ce n'est pas que des paroles, mais c'est d'appliquer le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, de vivre avec sa sunna. Ça, tu montres et tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala que tu aimes son messager. Que tu aimes son messager, ayyuha al-ikhwatul kiram. Car nous sommes pas parmi al-murji'a, qui sépare les paroles des actes. On reconnaît que al-iman est composé de paroles, et de la croyance du cœur, et de l'application à travers les membres, ayyuha al-ikhwatul kiram. Nous, on ne dit pas avec la parole ce qu'on ne fait pas et ce qu'on n'applique pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Qur'an al-Karim, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Oh, vous qui avez cru, oh, vous qui croyez, et qui dites des choses que vous ne faites pas, ceci est une abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, de dire des choses que vous ne faites pas, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Tu dis que tu aimes le prophète alayhi sallam et tu t'éloignes, وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ سُنَّةِ الْحَبِيبِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Mais lui, il est loin de la voix et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, ce n'est pas le vrai amour, ayyuha al-ikhwatul kiram. On doit prouver à Allah qu'on aime le prophète à travers l'application. À travers l'application de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Al-dalil, al-adilla fi hadha al-mawdu' kathira. Wa nadhkuru ba'd al-ayat min kitab rabbi al-ard wa al-samawat. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minun. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم هذا لا يكفي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو القرآن ça c'est le Coran والإخوة الكرام كلام الرحمن la parole du miséricordieux Allah عز وجل il dit non par ton Seigneur فلا وربك لا يؤمنون non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute, puis qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement, et qu'ils se soumettent complètement, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Surat An-Nisa, verset 65. Bel, yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Iza qada Allahu wa rasuluhu amran. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله عز وجل dit dans le Coran سورة الأحزاب verset 36 il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir et quiconque ومن يعص الله ورسوله et quiconque désobéit à Allah ainsi qu'à son messager ainsi qu'à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. C'est certes égaré d'un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu fi muhkam at-tanzil, dans la sourate An-Nur, verset 63. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, concernant ceux qui se détournent de la voie, ceux qui se détournent de la voie du prophète alayhi salatu wassalam, dans leurs paroles, dans leurs comportements, dans leurs actes, dans leurs minhaj. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit sur eux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَارِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, surat al-Nur, verset 63, que ceux donc qui s'opposent à son commandement, que ceux donc qui s'opposent à son commandement, le commandement de qui? Du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. D'où l'importance, ayyuha al-ikhwatul kiram, de s'attacher à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Pour connaître le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse acquérir hadha al-hub al-haqiqi, ce réel amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, et pour qu'ensuite on puisse appliquer la voie et le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam, siratul habib al-nabi alayhi salatu wassalam, il faut savoir que c'est la plus complète et la plus détaillée de toutes les biographies des prophètes et des envoyés. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la plus complète biographie qu'on a, la plus complète et la plus détaillée biographie qu'on a concernant tous les prophètes et messagers. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam. De plus, as-siratul habib an-nabi alayhi salatu wassalam, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwatul kiram, nous permet, écoutez bien, nous permet de comprendre le Coran. Nafhamu al-Qur'an al-Karim kama yanbaghi bi siratil habib an-nabi alayhi salatu wassalam. On comprend le Coran comme il se doit. Ici, ceci, grâce à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car beaucoup, kathir min al-ayat, beaucoup de versets coraniques sont descendus, ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam selon différentes situations et circonstances qu'a vécu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ou as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ou bien hatta al-mushrikoun, ou bien les associateurs, ou les hypocrites, etc. Et on retrouve toutes ces situations. Toutes ces situations, on les retrouve dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et de là, on comprend mieux la cause et circonstances de la descente, la cause et circonstances de la descente des versets coraniques. Asbab al-nuzul aussi. La cause et circonstances de versets coraniques, ayyuhal ikhwatul kiram. De plus, qu'est-ce que nous apporte l'étude? L'étude de la biographie, as-siratul habib, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ziyadatul ilm, fil aqida, wa fil fiqh, وفي الأخلاق وفي المعاملات. Ceci est une des causes de l'ajout de notre science concernant les dogmes islamiques, al-aqida wa al-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la jurisprudence, ainsi que quoi? Ainsi que le comportement, les moralités, ainsi que le comportement et les moralités qu'on retrouve dans la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, et aussi tout ce qui concerne al-mu'amalat, les relations sociales. Donc, on apprend à savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam réagissait avec ses épouses, avec ses enfants, avec ses frères, avec les hypocrites, avec les associateurs, avec les amis, avec les ennemis. Ma'a al-zawja, wa ma'a al-awlad, wa ma'a al-adou, wa ma'a al-mu'min, wa ma'a al-akh. Kayfa kana habibina al-mustafa alayhi salatu wassalam. Wa najidu kullu dhalik fi siratil habib al-nabi alayhi salatu wassalam. On trouve tout ça dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. D'où l'importance d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Comment toi tu vas te comporter avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes frères, avec les hypocrites, avec les associateurs, avec les non-musulmans, alors que tu ne sais pas comment le meilleur des exemples, Sayyidul Awwalina wal Akhirin wa Habibina al-Mustafa alayhi afdalus salati wa askas salam, se comporter avec ses épouses, ses enfants, les ennemis, les hypocrites, les associateurs, les amis, les frères, etc. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَيَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et vous avez certes, dans le comportement, ou dans le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un excellent exemple. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Fi Rasulillah, c'est pas chez une autre personne. Fi Rasulillah, uswatul hasana. Uswatul hasana, ayyuhal ikhwatul kiram. Un excellent exemple. Un excellent modèle à suivre, ayyuhal ikhwatul kiram. D'où l'importance d'étudier, encore une fois, siratul habib al-nabi alayhi salatu wassalam. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui veut appeler les gens à l'islam, et qui veut être un da'i, un prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala, appeler les gens à cette religion qui a été agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui de prendre pour exemple le plus grand des prêcheurs, Habibina al-Mustafa alayhi salatu wassalam. notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. On se doit de prendre comme exemple le meilleur des prêcheurs. Et qui est le meilleur des prêcheurs? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwatul kiram. De plus, ayyuhal ikhwatul kiram, il faut savoir que parmi les causes, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a eu cette révélation et a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, c'est que ash-shirk, l'association s'était répandue chez les Arabes, alors que ceux-ci, c'est-à-dire les Arabes, s'étaient accrochés à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc ils n'associaient rien ni personne à Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord? Jusqu'à ce qu'une personne, qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuzai, et ça c'est un nom qu'on se doit de connaître et de retenir, Amr ibn Luhay al-Khuzai, ce grand criminel est arrivé et a été la cause de la propagation de ash-shirk عند العرب chez les Arabes, ayyuhal ikhwatul kiram. Et c'est lui le responsable principal de l'altération de la religion d'Ibrahim sur laquelle étaient les Arabes avant l'envoi de Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Naam. Et ici, ces idoles furent adorées, d'accord, et pris comme exemple, et les Arabes ont commencé à adorer ces idoles qui se sont répandues à la Mecque, wal'iyadu billah, et ils sont tombés, et ils ont été baignés dans l'association, et d'où les causes pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam fut envoyé. Naam. قال عليه الصلاة والسلام الدليل على ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي الخزعي يجر قصبه في النار رآه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل في النار والعياذ بالله كما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le Bukhari Muslim, j'ai vu Amr, ce personnage-là, Amr ibn Luhay al-Khuzai, traîner ses entrailles en enfer. Il fut le premier à déclarer des animaux tabous, as-sa'iba. Des animaux tabous, as-sa'iba. Qu'est-ce que c'est que ces animaux tabous? Ce personnage-là, non seulement il fut la cause principale de la propagation de ash-shirk chez les Arabes, alors que ceux-ci suivaient la religion de Ibrahim alayhi salam. Naam. Lakin aussi, en plus de cela, il fut le premier à déclarer des animaux tabous, as-sa'iba. Animal tabou, c'est quoi? Une chamelle, ou une vache, ou une brebis, qu'il est interdit de monter, de manger, ou d'utiliser pour le transport. Donc, ils ont interdit ces types d'animaux, yani, que concernant leur nourriture ou bien leur utilisation comme moyen de transport. Certains donnaient ce statut à une partie de leur troupeau. Wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, les Arabes descendaient d'Ismaïl et d'autres qui vivaient dans le voisinage de la maison antique construite par Ibrahim wa Ismaïl alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, suivaient tous la religion d'Ibrahim et Ismaïl, jusqu'au moment où l'un des chefs de Khuza'a, en l'occurrence ce personnage-là, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, entacha cette religion d'Ibrahim de polythéisme et de l'interdiction de ce que Allah n'a pas interdit. Il a interdit des choses concernant des bêtes de troupeau qu'Allah n'a pas interdit. Et voilà pourquoi, comme le dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et voilà pourquoi le prophète a dit, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuzai traîner ses entrailles en enfer. Il fut le premier à déclarer des animaux tabous, c'est-à-dire des animaux interdits. Amr ibn Luhay al-Khuzai, rapporté par al-Bukhari Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu arda. Alors que les Arabes, ayyuhal ikhwatul kiram, se prosternaient après la venue de ce personnage-là pour des statues, ayyuhal ikhwatul kiram. Ils apportaient des nourritures au pied de ces statues-là. Ils invoquaient ces statues-là. Ils adoraient ces statues-là alors qu'il y avait plus de 360 statues présentes à la Mecque, en l'an 8 de l'Hégire. Et on en reviendra par la suite. En l'an 8 de l'Hégire, voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum wa ardahum de conquérir la Mecque à l'enduite de l'égir. Naam. Et quand ils ont conquéri la Mecque à l'enduite de l'égir, c'est à ce moment-là où le prophète Mohammed ibn Abdullah est rentré à la Mecque et a détruit. Il a détruit toutes ces statues-là. Alors qu'il y avait à peu près ou plus de 360 statues. Et pendant qu'il détruisait toutes ces statues, le prophète, alayhi salatu wassalam, à la Mecque, qu'est-ce qu'il disait? وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Vous voyez comment on comprend mieux le Coran, le Coran al-Karim, quand on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam disait ces versets coraniques, قول أي محمد وقول جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشرك إن الباطل كان زهوقا. Et Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu wassalam et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. La vérité est venue, l'islam, التوحيد, l'unicité. Et l'erreur a disparu, الشرك, الشرك, l'association. Et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Car l'erreur est destinée à disparaître. Le voyage nocturne, Al-Isra, verset 81. Verset 81. Et parmi les actes interdits des Arabes, parmi les actes interdits des Arabes, ayyuha al-ikhwatul kiram, il y avait des comportements qu'avaient les Arabes, wal-iyadu billah, et qui ont été la cause aussi pour laquelle ou par laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé. Parmi ces actes interdits que pratiquaient les Arabes, il y avait ce qu'on appelle at-tiyara, le mauvais augure. Ils pratiquaient énormément at-tiyara. Et at-tiyara, ça fait partie de al-shirk, comme l'a relaté l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Qala alayhi salatu wassalam, at-tiyara tu-shirk. الطيرة الشرك كما النبي صلى الله عليه وسلم لدي في الحديث رابورتي بار الامام احمد اي دوت اوتنتيفي بار شيخ الالباني في صحيح الجامع لو موفيز اوغور ايت اون اسوسياسيون الطيرة الشرك ici le mauvais augure est une association et il pratiquait énormément ce type de pratique qu'on appelle les pratiques de l'jahiliya du paganisme ou de l'époque pré-islamique wal'iyadu billah qui au jour d'aujourd'hui. Et retenez bien ça et suivez bien, on retrouve chez nous les musulmans beaucoup de pratiques que faisaient ici al-juhala, les ignorants à l'époque de l'jahiliya, on les retrouve fi asrina hadha fi hadhihi al-ummah, dans cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est une des preuves que la communauté s'est éloignée énormément de quoi? De la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne connaît plus, on ne connaît plus le prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit. Comme il se doit d'être connu. At-tiyara, c'est une pratique. Parmi les nombreuses pratiques qui concernent at-tiyara à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait le fait que, par exemple, parmi les nombreux exemples, ici, il prenait un oiseau et il lâchait cet oiseau-là. Quand l'oiseau, par exemple, il voyageait ou il partait, il volait plutôt du côté droit, il disait, aujourd'hui c'est un bon jour pour nous, donc on voyage. Et quand il partait du côté gauche, il disait, ça c'est un mauvais jour pour nous. Par exemple. Ou bien il prenait des sortes de flèches, et il disait oui, non, ou il mettait rien. Et il tirait au sort, des sortes de tirages au sort. Et si c'était oui, il voyageait. Si c'était non, il ne voyage pas. Wahakada, pour les mariages, pour toute autre chose. Et yani, il pratiquait ce qu'on appelle la tiyara wal'iyadu billah. Cette mauvaise augure qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, chez les musulmans qui te dit, aujourd'hui vendredi 13, ça porte malheur. On retrouve ça chez les musulmans wal'iyadu billah. At-tiyara tu-shirk wal'iyadu billah. Et ça c'est une association, ayyuhal ikhwatul kiram. Et nous, l'islam est venu abroger ça et à remplacer At-tiyara par quoi? As-salatul istikhara. La prière de la consultation. Quand tu veux entreprendre un projet, un voyage, un mariage, quelconque projet, à toi de faire deux rak'at rak'atayn, comme il est relaté dans un hadith al-sahih, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu arda. Ici, tu fais deux unités de prière et tu fais l'invocation. L'invocation de la prière de la consultation. Et tu cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes conseil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. At-tiyaratu shirk. Ici, le mauvais augure est une association, wal'iyadu billah. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il faisait le pèlerinage. Il faisait al-umra. Na'am. Ici, il faisait le pèlerinage et il faisait al-umra. Lakin, il faisait d'une façon contraire à la religion, wal'iyadu billah. Dans leur talbiya, il apportait des paroles ici qui comportent al-shirk, wal'iyadu billah. De l'association. Ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala certaines statues qu'ils adoraient. il faisait at-talbiya et il faisait tawaf hawla al-ka'ba. Il faisait tawaf hawla al-ka'ba, autour de la Kaaba, walakin hum ura, ils étaient nus, les femmes et les hommes. Hakada. Il faisait at-tawaf, il faisait al-umra, walakin ils étaient nus, wal-iyadu billah. Ils étaient nus et ils avaient des pratiques contraires à la religion. Ils mélangeaient le vrai avec le faux, wal-iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam pour abroger tout cet égarement, wal-iyadu billah. Et parmi leurs coutumes aussi, quand ils étaient en état de sacralisation, en état de ihram pour eux, leur état de sacralisation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils rentraient chez eux, ils faisaient un trou derrière leur maison. Ils ne rentraient pas par la porte de devant. Ils faisaient un trou derrière leur maison quand ils étaient en état de sacralisation. Et ici, dû à leur état de sacralisation, ils ne voulaient pas rentrer par la porte de devant de chez eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset coranique concernant ce type de pratique. Et voilà pourquoi on a besoin de la sirah, comme je disais en introduction, pour comprendre le Coran al-Karim. C'est obligatoire. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé concernant ces coutumes-là? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, la piété, al-bir, la piété ne consiste pas à rentrer dans vos maisons par derrière. La piété ne consiste pas à rentrer dans vos maisons par derrière, comme vous le faisiez, entre parenthèses, comme vous le faisiez au temps de l'jahiliya. Comme vous le faisiez au temps de l'jahiliya, car il le faisait. D'accord? Mais la vraie piété, la vraie bonté pieuse, consiste plutôt à craindre. À craindre Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa. À craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Entrez donc. Allah leur ordonne. Entrez donc dans les maisons normalement, par leurs portes habituelles. Et craignez Allah afin de réussir. Voilà la cause de la descente de ce verset coranique que beaucoup lisent et ne comprennent pas. Et certains savants ont élargi l'explication, wa la haraj. Et ça on verra dans les règles de usul al-tafsir, dans les cours de tafsir al-Qur'an al-Karim. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Vous le savez tous, ils enterraient leurs filles vivantes. Et ils tuaient leurs enfants par crainte de pauvreté. Voilà les pratiques du paganisme. Ils enterraient leurs filles vivantes et ils avaient ce dégoût quand on leur annonçait qu'ils avaient une fille. Et est-ce qu'on retrouve ces habitudes-là? Chez nous, les musulmans au jour d'aujourd'hui, certaines personnes, quand on voit ou ils entendent qu'ils ont une fille, ils sont dégoûtés. On revient encore au comportement des Arabes à l'époque du paganisme. Et c'est là où on voit où les gens sont loin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et wa kanu aydan yal'abun al-qumar wal-maysir wal-iyadu billah. Hakada ayyuhal ikhwatul kiram. Fil jahiliya kanu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient aux jeux d'hasard. Ils pariaient des biens dans des jeux d'hasard et autres. Est-ce qu'on retrouve ça chez nous dans cette communauté au jour d'aujourd'hui? Naam, lil asafi shadid. Avec le plus grand des regrets. Encore un comportement de jahiliya, on le retrouve au jour d'aujourd'hui. وَهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ الْقُمَارَ وَالْمَيْسِيرَ وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَيْضًا. Et concernant leur habitude encore, qu'est-ce qu'il y avait? اِخْتِلَاتُ اِخْتِلَاتُ الْإِخْتِلَاتَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ. هَلْ نَجِدُ ذَلِكَ فِي عَصْرِنَا وَفِي أُمَّتِنَا الْآنَ الْإِخْتِلَاتُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَيْنَ أُمَّةَ الْحَبِيبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدِّثْ وَلَا حَرَجْ. Ça, c'est encore une pratique des gens à l'époque de l'jahiliya, ayyuhal ikhwatul kiram. Ils autorisaient al-ikhtilat. Al-ikhtilat. Le mélange entre eux, les hommes et les femmes. Ça, c'était à l'époque du paganisme. Avant la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, on retrouve ça. Le mélange des femmes et des hommes. Et il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Naam. Est-ce qu'il reste de la pudeur dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam? Regardez ce que dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam concernant Ad-Dayyuth. Ad-Diyatha. Vous savez ce que c'est qu'Ad-Dayyuth? Ou c'est qui Ad-Dayyuth? Qui c'est qui Ad-Dayyuth? Ad-Dayyuth, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est celui qui n'éprouve aucune jalousie concernant sa famille. D'accord? Il n'a pas cette jalousie concernant sa famille. S'il voit sa femme, zawjatahu, ou bien sa fille bintahu, ou bien sa sœur, ou bien sa mère, ici sortir dénudée, se dévoiler, s'exhiber, se mélanger avec les hommes, et ici parler avec les hommes qui ne font pas partie de ses maharim, il ne ressent rien fi qalbihi. La yahis shay fi qalbihi. Il ne ressent rien dans son cœur. Normal, adi. C'est normal pour lui. Ça, c'est ad-dayyuth wal-iyadu billah. Celui qui n'éprouve aucune jalousie concernant les personnes de sa famille. D'accord? Et qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wasalam concernant al-dayyuth ayyuha al-ikhwatu al-kiram? Wa al-hadith rawahu al-imam Ahmad. Wa sahaha al-hadith shaykhuna al-albani fi sahih al-jami' min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith de Ahmed authentifié par Cheikh Al-Albani selon Ibn Umar, trois catégories de personnes, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, trois auxquelles Allah interdira certainement le paradis. Trois. Et qu'est-ce qu'il dit? Mudminul khamr, c'est qui? L'alcoolique, celui qui est alcoolique. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'il dit? Al-aq, c'est qui? Celui qui est tombé dans al-uquq, uquq al-walidain wal-iyadu billah. C'est qui? C'est celui, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, qui désobéit à ses parents, qui est tombé dans ce qu'on appelle al-uquq, l'ingratitude envers ses parents, ayyuha al-ikhwatu al-kiram, l'ingratitude envers ses parents. Et la troisième catégorie de personnes, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Wad-dayyuth, c'est-à-dire, il donne l'explication dans le même hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubth. Celui qui agrée pour sa famille al-khubth. C'est-à-dire la turpitude. Normal, adi. Qu'il désobéisse à Allah ou qu'il désobéisse pas à Allah. Que ses sœurs ou sa mère ou son épouse sortent bila hijab al-shar'i, la haraj la ba's. La yajid shay fi qalbi wal iyadu billah. Il n'y a aucun problème. Il ressent rien dans son cœur. Ça, c'est parmi les critères de ad-dayyuth. Est-ce que c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam? On exhibe nos femmes, on exhibe nos sœurs. Au nom de quoi? Au nom de la liberté de la femme. Ayyuha al-ikhwatul kiram, nous la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes la communauté qui donne le plus de respect et de droit à la femme. Nous n'avons pas droit d'imposer quoi que ce soit à la femme. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte à la religion. Tu n'as pas droit d'enfermer ton épouse. Tu n'as pas droit de maltraiter ton épouse. Tu n'as pas droit d'imposer de force à ton épouse de porter un voile. Tu n'as pas droit de te comporter mal avec ton épouse. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim dit وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est un ordre de la part de notre Seigneur et qui dit et comportez-vous convenablement avec elle. Et comportez-vous convenablement avec elle. Et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَخِيَارُكُمْ les nisa'i. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Avec leur épouse. Ça, c'est l'islam. Lakin, le fait que toi, tu ne motives pas ton épouse à se voiler, tu ne fais pas les causes, ça, c'est que tu as un critère parmi les critères de ad-dayyuth, wal-iyadu billah. Toi, tu enlèves ta responsabilité avec sagesse, bonne exhortation. Tu exhortes ton épouse, ta mère, ta sœur, de se voiler, de s'écarter de ses turpitudes. Si ensuite il persiste, tu as enlevé ta responsabilité. Ça, c'était des comportements qu'avaient les Arabes à l'époque de l'Jahiliya. Wa najidu dhalika fi hadhihi al-umma lil-asaf al-shadid. Et ici, parmi les coutumes qu'ils avaient, ou plutôt les actes répréhensibles qu'ils avaient à l'époque de l'Jahiliya, il y a ce qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha wa ardaha dans Sahih al-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, il y avait quatre types de mariages. Quatre types de mariages avant la venue de l'islam. Quatre types de mariages. Elle dit, le premier type de mariage, c'était quoi? Donc, on venait demander la main de la femme au wali. Au wali. C'est-à-dire au tuteur. Comme قال عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهيدي العدل. Il n'y a pas de contrat de mariage valide sans un tuteur et quoi? Et deux témoins intègres. Sinon, si ces conditions-là ou ces piliers-là ne sont pas réunis, le contrat de mariage est invalide. Et ça, il existait à l'époque du paganisme. Et au jour d'aujourd'hui, nous, la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, on entend des mariages qui sont contractés sans tuteur et sans wali. Depuis le début, je cite des comportements de l'époque de l'jahiliya, du paganisme, avant que les gens ne connaissaient Mohammed ibn Abdullah, avant que le Coran et était révélé au prophète alayhi salatu wassalam, il pratiquait ses actes, nous au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a le Coran, on a la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on fait et on persiste dans cet écartement, wal'iyadu billah. Et le deuxième type de mariage que Aïcha radiallahu anha wardaha cite, ça c'est des types de mariages rejetés par l'islam. Le premier, il est, alhamdulillah, c'est ce type de mariage qui est resté, après la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, al-nikahu al-istibda'a. An-nikahu al-istibda'. Ce type de mariage-là, c'est quoi? Écoutez bien. La femme, après ses menstrues. La femme, après ses menstrues, d'accord? Quand elle avait passé sa période de haïd, de menstrues, son mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait, va chez un tel. Son mari, il choisissait une personne, il disait, va chez un tel. Pour avoir des rapports. Des rapports avec cette personne-là. Et ensuite, quand elle tombait enceinte, dû au rapport qu'elle avait eu avec telle personne, quand elle tombait enceinte, son mari ne l'approchait pas. Que s'il voulait. Son mari, il ne l'approchait pas. Et ensuite, quand elle accouchait de cet enfant-là, le mari était content. Parce qu'ils espéraient, à travers cette pratique, wal'iyadu billah, que cet enfant soit intelligent. Ou atteint la noblesse, ou l'intelligence, ou toute autre chose. Donc, ils espéraient par cette coutume-là et cette pratique-là, wal'iyadu billah, ici, ils espéraient que leur enfant, ou plutôt l'enfant qui allait naître de cette relation illicite, allait être très intelligent. Zaki, intelligent. Parmi le troisième type de mariage qu'il y avait, comme elle dit Aïcha radiallahu anha warda dans Sahih al-Bukhari, elle dit, il y avait une femme, ici, qui se rendait auprès d'un groupe d'hommes. Raht. Rahtun, ici en arabe, c'est quoi? C'est un groupe qui ne dépasse pas les 10. D'accord? Qui ne dépasse pas les 10. Il y avait un groupe d'hommes qui se rendait chez une femme, et qui entrait chez elle, et tous, wal'iyadu billah, karamakumullah, avaient des rapports avec cette femme-là. Ça, c'était la troisième pratique qu'ils avaient. Tous avaient des rapports avec cette femme-là, et quand elle tombait enceinte, elle appelait le groupe d'hommes avec qui elle a eu des rapports, et elle désignait une personne parmi ces hommes-là, et elle disait, c'est toi le père de cet enfant. Voilà, comme ça, de elle-même. Elle disait, bon, c'est toi le père de cet enfant. Ça, c'était le troisième mariage qui existait à l'époque de l'Jahiliya. Le quatrième, ayyuhal ikhwatul kiram, c'était quoi? Une femme mettait une sorte de drapeau ou tissu rouge au-dessus de sa maison pour avertir les gens qui voulaient avoir des rapports avec elle, d'accord, qui pouvaient se rendre chez elle, d'accord, quand elle lissait ce sorte de drapeau ou ce tissu rouge. Donc à ce moment-là, les gens venaient et avaient des rapports avec elle, akramakumullah, et ensuite, quand elle tombait enceinte, qu'est-ce qu'elle faisait? On rassemblait ces hommes-là qui avaient eu des rapports avec cette femme-là, et elle appelait, ou il faisait appeler une personne qui était, entre guillemets, on va dire, expert en la matière pour pouvoir reconnaître le père de l'enfant à travers les traits physiques de cet enfant-là. Il regardait l'enfant, il regardait les hommes, et il disait, bon, l'enfant il ressemble à celui-là, donc c'est celui-là son père. Et donc, ils attribuaient l'enfant à ce père-là. Et Aïcha radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'elle dit? Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec l'islam, tous ces types de mariages, ou plutôt les trois types de mariages, ont été abolis et un seul est resté. Walillahi alhamd. C'était le premier type de mariage qu'on a cité. Et al-Arab ayyuha al-ikhwatul kiram, pour terminer ici, les Arabes, il faut savoir qu'ils avaient des qualités. Ils avaient des qualités, ayyuha al-ahbab. Et parmi ces qualités, fil jahiliya, kanu la yakdhibun. Ils ne mentaient jamais. Ça, c'est parmi les qualités des Arabes à l'époque de l'jahiliya. Ils n'avaient même pas l'islam, lakin ils étaient réputés pour ça. La yakdhibun, ils ne mentaient pas. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, des gens de la communauté du prophète mentent? Allah al-musta'an. Ça, c'était les gens qui n'avaient pas, ici, en face d'eux, le prophète alayhi salatu wasalam et le Qur'an al-Karim. Kanu la yakdhibun. Bel, plus encore, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité? Wa kanu idha ahadu wa faw. Wa faw ayyuhal ikhwatul kiram. Quand ils s'engageaient ou ils promettaient, ils tenaient leur engagement. Et Allah Azza wa Jal a renforcé ces caractères, ou caractères ici qui avaient du mérite, ici à travers le Coran al-Karim. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil'uqud. Oh, vous qui avez cru, remplissez fidèlement vos engagements. Et on a fait le serment du vendredi sur l'engagement. Ils avaient déjà ces qualités. Quand ils promettaient, al-ahd, c'était l'ahd. La promesse, c'était la promesse. L'engagement, c'était l'engagement. Au jour d'aujourd'hui, on s'engage, on promet. Et ils avaient encore quoi? Ils avaient de nombreuses qualités, mais parmi les qualités qui ressurgissent le plus, c'était quoi? Leur générosité. Leur générosité, ayyuha al-ahbab. Ils étaient très généreux. Ils étaient réputés pour être très généreux, jusqu'à ce qu'il est rapporté dans certains récits que quand ils gagnaient de l'argent à travers des jeux d'hasard ou autres, ils prenaient une part et ils distribuaient aux pauvres ou aux nécessiteux. Et parmi aussi les mérites que tout le monde connaît, c'était quoi? C'était des hommes. Les Arabes, c'était des hommes. C'était des hommes très courageux. Et pour l'honneur, ils étaient capables de faire n'importe quoi. À leur époque, ils étaient très courageux. Et ici, ils défendaient l'honneur d'une personne. Ici, même s'il fallait donner leur vie. Ils étaient réputés pour être très courageux. Et beaucoup de personnes qui ont embrassé l'islam, après la venue du prophète alayhi salatu wassalam, on a retrouvé, comme on retrouve à travers les biographies des compagnons radiyallahu anhu ardahum, ici ce trait de caractère qu'ils ont gardé, le courage. Et ce sont restés des hommes jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un groupe où parmi les croyants, il a parlé de ces personnes qui sont les hommes. Min al-mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Donc ici, ça c'est un message pour nous, ayyuha al-ahbab, c'est que nous, quand on sort des ténèbres à la lumière, min al-dhulumati ila an-nur, à nous de garder les traits de caractère qu'on avait dans l'égarement, mais qui sont bénéfiques pour nous dans la communauté, qu'on les garde avec nous. Il n'y a pas de problème, la haraj. Si tu étais une personne de confiance alors que tu n'étais pas pratiquant, garde ce trait de caractère et mets-le ici à disposition de l'islam. Si t'étais une personne, très active dans le jahiliya, garde ce trait de caractère et mets-le à disposition de l'islam. Wahakada. Et ainsi de suite. Comme l'ont fait les gens qui ont embrassé l'islam au fur et à mesure. Ça, ayyuha al-ahbab, c'est une petite introduction concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on continuera avec le deuxième cours qui est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam avec son enfance. Wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah.